Souvenir. Quand il pâlit un soir et que sa voix tremblante s'éteignit tout à coup dans un mot commencé, quand ses yeux, soulevant leurs paupières brûlantes, me blessèrent d'un mal dont je le crus blessé, quand ses traits plus touchants, éclairés d'une flamme qui ne s'éteint jamais, s'imprimèrent vivants dans le fond de mon âme, il n'aimait pas, j'aimais.